Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Imaginons que nous montions au grenier pour explorer les vieux cartons où sont rangées nos archives familiales. Qu'aimerions-nous trouver ? Des vieux journaux, sans doute, des souvenirs d'événements remarquables, la une de combat le 8 mai 45 quand l'Allemagne nazie capitule, ou un autre journal de septembre 39 qui annonce que la guerre est déclarée. En fouillant encore, nous allons peut-être trouver la correspondance d'un poilu et un diplôme de la Légion d'honneur signé par Napoléon. Le testament holographe de Louis XIV et là, une charte médiévale. Oh, des papyrus antiques et des tablettes cunéiformes. Et non, pourtant, bien souvent, nous trouvons seulement de vieilles factures, quelques cahiers d'écoliers et la notice d'utilisation d'un robot de cuisine. Bon, c'est déjà pas mal. Hitler, lui aussi, a exploré les archives. Il a demandé à ses archéologues de fouiller. Mais ce qu'ils ont trouvé dans le sous-sol allemand n'a pas convenu aux nazis. Alors ils sont partis à travers le monde pour piller les civilisations afin de se construire la leur. Nous terminons cette semaine consacrée au goût des civilisations perdues en allant faire un tour en Allemagne avec un cas très particulier. Comment les nazis ont-ils pillé les civilisations du passé? Et pour cela, nous recevons ce matin Johann Chapoutot. Bonjour. Bonjour. Cet historien professeur à l'université Paris-Sorbonne, Paris 4, et auteur du nazisme dans l'Antiquité, notamment, ou alors comprendre le nazisme. Et nous recevons Laurent Olivier, conservateur du département d'archéologie celtique et gauloise au musée d'archéologie nationale. C'est à Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Laurent Olivier. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Nos ancêtres les Germains, les archéologues français et allemands au service du nazisme. Et à la fin de l'émission, viendra nous rejoindre Anaïs Quien avec sous le bras son journal de l'histoire. Anaïs Quien qui va nous proposer aujourd'hui un petit guide pour se retrouver dans la jungle des chaînes YouTube d'histoire. Mais pour le moment, nous allons passer par la case cinéma, puisque la culture populaire se saisit souvent des grandes questions historiques. Monsieur le Président, ce tournant décisif de la guerre est aussi le plus dangereux pour tous ces trésors qui sont le patrimoine de l'humanité. Les nazis volent des œuvres à Varsovie, Amsterdam, Paris. Nous avons pour mission de retrouver et de protéger plus de 5 millions de pièces de collection et d'œuvres d'art volées. Voici la maquette du projet de musée du Führer. Ce sera l'un des plus grands du monde. On peut exterminer toute une génération, raser les maisons des gens, ils les rebâtiront. Mais si vous détruisez leur mémoire, leur histoire, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est ça que veut Hitler, et c'est pour cette raison que nous nous battons. C'est un extrait du film Monuments Men, un film de Georges Clooney en 2014, avec Georges Clooney, bien sûr, Bill Murray, Jean Dujardin et tant d'autres. Johann Chapoutot, ce film raconte une tentative de sauvetage, ou en tout cas d'arrêter le pillage que les Allemands pratiquent, que les nazis pratiquent dans toute l'Europe. Les nazis ont effectivement pillé les musées d'Europe. Oui, de manière systématique. De toute manière, ils pillent et ils spolient tout. Les nazis sont des voleurs. Ils ont construit leur économie là-dessus, leur économie matérielle, mais aussi leur économie symbolique. Puisqu'il s'agit pour eux de reprendre, de récupérer ce qui leur appartient en bien propre, puisque à leurs yeux, tout ce qui s'est créé de grand en Europe et dans le monde est l'œuvre du sang germanique. Donc il y a une institution mise en place, il y a une volonté où on envoie des gens regarder dans les musées, chercher et prendre. Il y a plusieurs institutions en fait. Vous avez les services de Göring, vous avez les services de Rosenberg, vous avez également les services de Himmler, qui d'ailleurs se livrent une concurrence féroce même dans l'activité de pillage. Oui, c'est à celui qui va ramener les plus belles choses. Johann Chapoutot, on comprend très bien ce que peut être un pillage de musée. Les nazis arrivent avec des camions, ils prennent les tableaux et ils les envoient à Berlin ou ailleurs. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant ce matin sur le goût des civilisations perdues, c'est que les nazis ont également pillé les civilisations. Oui, alors, il faut partir du commencement, c'est-à-dire de la situation en Allemagne en 1919, sur laquelle les nazis vont prospérer. C'est une situation de, on va dire, de déficit ou de faille économique, politique, territoriale, mais aussi identitaire et psychologique. Et les nazis vont répondre à ça en disant aux Allemands, vous êtes le sel de la terre, vous êtes le peuple le plus prestigieux, et la preuve de ça, c'est votre généalogie, ce dont vous venez, ce que vous avez fait dans le passé. Et ce que vous avez fait, ce n'est pas la préhistoire germanique, qui est immanquablement et incurablement arriérée à leurs yeux, mais ce sont les civilisations les plus prestigieuses de l'Antiquité, à commencer par la civilisation grecque et la civilisation romaine, qu'ils vont tout simplement annexer. C'est quelque chose d'incroyable d'ailleurs de se dire qu'il y a une annexion de civilisation tout simplement parce que leur passé ne leur convient pas. Disons que quand il y a des fouilles dans les forêts d'Allemagne, on cherche, on trouve des bouts de poterie, pas grand-chose, du bois, et ça ne suffit pas aux nazis pour bâtir un mythe. Hitler le dit très clairement, il se moque des recherches diligentées par Himmler au sein de la Nan Herbe, et il trouve que ramener des poteaux de cité lacustre, c'est pas assez pour illustrer le génie germanique. Pour cela, le Parthénon ou le Colisée, c'est quand même beaucoup mieux. Et dès lors, se déploie comme un enseignement dogmatique, comme une thèse d'État, si vous voulez, ce qui n'était qu'une hypothèse théorique scientifique, c'est-à-dire le fait que les Grecs et les Romains auraient pu venir du nord de l'Allemagne et du sud de la Scandinavie. Autrement dit, des tribus germaniques ont émigré il y a des millénaires et se sont développées en Méditerranée. Ils sont restés arriérés au nord parce qu'il ne fait pas beau et froid, mais au sud, ils ont opéré leur photosynthèse culturelle au doux soleil de Méditerranée, et ça a donné Rome et la Grèce. Il y a vraiment la question de la race aryenne à poser ici. Vous avez évoqué ces peuples du nord, ces peuples nordiques. Quelle est cette race aryenne que présentent les nazis ? Alors, justement, les nazis utilisent assez peu le terme de aryen, parce que aryen, c'est lié à un contexte, on va dire, scientifique, qui est celui du XVIIIe siècle, où on estime que, pour contrer le récit de la Bible, le récit de la Genèse, on va imaginer la venue de la civilisation blanche à partir des hauts plateaux de l'Inde. Voilà, ça c'est l'hypothèse indo-aryenne, indo-européenne. Les nazis renversent les flux, ça ne vient pas de l'Est, parce que c'est quand même dégradant de venir d'Asie. Non, on vient du Nord. Voilà. Le Nord, c'est la matrice de l'humanité et de la culture. Et dès lors, on parle moins d'aryen que de germain ou de germanique nordique. Et ces peuples du Nord fascinent les nazis. Alors, ils fascinent déjà par le corps. Il y a tout un travail autour du corps, le blond aux yeux bleus qui en est la caricature. Oui. Ça ne les gêne pas de regarder vers la Grèce ou vers Rome où, par le fait, il n'y a pas des blonds aux yeux bleus. En gros, ce que je veux vous demander, c'est comment ils arrivent à justifier cette idéologie. Mais détrompez-vous, Xavier Modu, vous n'avez pas assez lu les anthropologues des années 30 qui vous montrent que les cheveux blonds et les yeux bleus et le crâne dolichocéphale étaient répandus dans l'Antiquité avant le mélange racial. Parce que si les Grecs contemporains, et ils le disent en 1941 quand ils vont en Grèce, quand la Wehrmacht constate que le Grec contemporain est un, je cite, un levantin crépu, c'est dû au fait qu'il y a eu des mélanges au cours de l'histoire, venus d'Asie, venus de Syrie, venus d'Afrique. Mais à l'origine, vous avez des dizaines d'articles, de thèses, de mémoires qui vous montrent que Périclès est un grand blond aux yeux bleus, de même qu'Apollon, de même que Octave Auguste, ce qui montre bien que les civilisations antiques ont été armées par l'élite germanique qui a colonisé le sud. Et ça va plus loin parce que ça ne suffit pas de se cantonner à la Méditerranée, ils vont jusqu'en Asie. Confucius aurait pu avoir les yeux bleus et être blond. Oui, alors là aussi le postulat fondamental, c'est que rien de grand dans l'histoire ne s'est fait sans le sang germanique. Le sang germanique a fertilisé le monde. Et donc, vous lisez parfois que les pyramides d'Égypte ont sans doute été l'œuvre du génie germanique, de même que la muraille de Chine, qui est un monument imposant, qu'on ne voit pas encore de l'espace à l'époque, mais quand même. Et effectivement, j'avais trouvé ce texte de Richard Daré, qui est un monsieur important, il sera ministre de l'Agriculture du Reich, c'est l'expert racial de la SS, c'est un agronome, et qui publie à la fin des années 20 un livre intitulé « Lycurgue et Confucius », où il compare le spartiate et le chinois, pour montrer que leurs législations sont identiques, tout simplement parce qu'ils procèdent de la même race. Et oui, Confucius était blond aux yeux bleus. Même chose, si aujourd'hui ils sont basanés et bridés, c'est à cause de mélanges ultérieurs. Johann Chapoutot, dans votre livre Le nazisme et l'antiquité, c'est vrai qu'on l'a, cet extrait de Daré, donc, qui explique que les Chinois des classes supérieures, les membres de l'élite, donc comme Confucius, n'étaient pas bien éloignés du type de l'homme de race nordique. tout tente à prouver que la classe dominante chinoise, au moins, était blonde, aux yeux bleus, donc d'ascendance aryenne indo-germanique. C'est incroyable de lire des choses comme ça, parce que pour nous, c'est complètement dans un autre monde, ça n'existe pas. Mais pourtant, les nazis arrivent à l'imposer. Johann Chapoutot, vous avez parlé d'anthropologues, vous avez lu, vous, les anthropologues des années 30, vous n'avez pas lu que ça. C'est-à-dire que toutes les sciences sont mobilisées. Oui, c'est un projet. Bon, le nazisme veut imposer une vision totale, une révolution culturelle totale, hein, et tout indexé sur la notion de race et sur la biologie. C'est un biologisme, et la biologie explique tout. Hein, c'est une espèce de darwinisme vulgaire mal digéré, nourri de scientisme lui aussi mal digéré. La biologie explique tout, et effectivement, toutes les sciences sont mobilisées pour montrer, prouver l'excellence de la race germanique. Donc, l'archéologie et l'histoire vont montrer que nos ancêtres, les Germains, ont fait le Parthénon et ont conquis le monde avec les légions romaines, ont inventé la philosophie, le théâtre antique, les mathématiques, etc. La biologie et l'hématologie va montrer l'excellence de votre sang et de votre chair. La science du droit, la littérature, toutes les sciences sont mobilisées au sein d'une sorte de CNRS, si vous voulez, de la SS, qui est créée à partir de 1935, qui s'appelle le Deutsches Ahnenerbe, qui veut dire l'héritage allemand des ancêtres, qui se veut le fer de lance de la nouvelle science allemande biologique. Et puis des valeurs sont prisées, évidemment, ce sont les valeurs militaires. Alors, on va retrouver facilement dans Sparte ce qui convient aux nazis. Absolument. Alors, l'annexion de l'Antiquité, parce que c'est bien d'une annexion qu'il s'agit, laquelle annexion, est un prodrome à l'annexion territoriale. Parce que quand ils attaquent la Grèce et les Balkans en 1941, très clairement, les nazis disent « on rentre chez nous ». C'est ce que dit la presse allemande. Hein. C'est une troisième ou une deuxième vague de migration germanique qui reprend possession légitimement hein, de la création germanique. De ce point de vue-là, la croix gammée sur l'acropole est un vrai symbole très fort. J'ai perdu votre question. Non, mais c'était sur les valeurs prisées. Pardon. Alors ça, c'est la première vertu, c'est l'annexion pour l'illustration, la défense, illustration de la race. Et ensuite, il y a la vertu de préceptorale. Historia magistra vitae, hein, l'histoire est maîtresse de vie. De fait, les anciens incarnent des vertus qu'il faut réactualiser. Et là, c'est un coup de maître de la part des nazis, puisque tous les gens qui invoquent l'humanisme contre eux, en disant « mais vous êtes trop méchants », enfin, eh bien, voient leur argument retourner contre eux. Puisque les nazis disent « regardez ce que prône Platon ». Regardez Sénèque qui dit qu'il faut laisser mourir les enfants malades. Autrement dit, nos pratiques d'euthanasie, nos pratiques du laisser mourir et du faire mourir sont des pratiques totalement validées par ces grands esprits anciens devant lesquels vous vous pâmez. Johann Chapoutot, vous citez Platon, c'est vrai que les philosophes aussi sont mobilisés et chez Platon on va trouver une critique de la démocratie. C'est la démocratie athénienne, mais les nazis récupèrent ces critiques. Absolument, moi ce qui m'avait intéressé quand je faisais ma thèse, c'est que bon, on entend toujours que Nietzsche c'est le maître à penser du Troisième Reich, c'est faux, hein, parce que Nietzsche est philosémite et anti-nationaliste. Donc bon. Et puis il n'est pas du tout raciste. Par contre, le véritable philosophe roi du Troisième Reich, c'est Platon. Il y a une efflorescence de travaux sur Platon qui est le Platon, non pas métaphysique, mais le Platon politique, hein, de la République, des lois, de la lettre numéro 7. Le Platon qui critique la démocratie, parce que c'est la démocratie qui a tué Socrate, son maître, hein, quand même, et qui exalte le modèle spartiate. Et là aussi, c'est une instance de légitimation pour les nazis qui disent « Regardez, tout ce que nous voulons, nous, c'est-à-dire une cité holistique où le tout prime sur l'individu, où il y a une hiérarchie de fer, où il y a une dictature, où la démocratie est conspuée, eh bien, tout cela a été imaginé par Platon, qui est qualifié dans la littérature nazie, je cite, de « vigie germanique ».« Vigie germanique », le mot est fort. Et on pense bien que pour comprendre ce mouvement, comment les nazis ont pillé les civilisations du passé, il est intéressant de regarder aussi le phénomène sur le temps long et ne pas focaliser uniquement sur le moment nazi, parce qu'il y a un intérêt beaucoup plus vaste. Les Jeux Olympiques sont réinventés à la fin du 19e siècle par Pierre de Coubertin, qui assiste en 1936 à la cérémonie d'ouverture des JO à Berlin. J'ai l'impression que toute l'Allemagne, depuis son chef jusqu'au plus humble de ses écoliers, souhaite ardemment que la célébration de 1936 soit l'une des plus belles que le monde ait vues. Dans un an, les cloches de Pâques auront annoncé la prochaine entrée dans le stade de Berlin. Des athlètes venus de tous les coins du monde. Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemand pour l'effort dépensé en l'honneur de la 11e Olympiade. Cette voix gentille et douce de Coubertin est troublante quand il s'adresse, après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture des Olympiades, et qu'il s'inscrit lui-même dans le projet nazi de récupérer les civilisations passées. Bah, ça nous montre aussi que les nazis ne sont pas un aérolithe venu de l'espace. Ils sont de notre temps et de notre lieu. Voilà. Et Coubertin l'a bien compris. Coubertin, c'est un homme qui, dans la seconde moitié du 19e siècle, a été nourri par le racisme de l'époque, par le darwinisme social. Et c'est quelqu'un qui dit explicitement dans les années 1890, jusqu'à son discours de la Sorbonne, où il recrée les Jeux Olympiques, qu'il faut bronzer la race. Hein, bronzer la race, c'est-à-dire la muscler, la tanner au soleil pour la réarmer, pour la conquête impériale, pour la lutte zoologique entre les nations. Eh bien, quand les nazis récupèrent ce projet, d'ailleurs, ils sont très habiles parce que ils l'entourent de toutes leurs attentions, et Coubertin, qui est un vieil homme, est très flatté. Eh bien, Coubertin ne peut que saluer le gouvernement de relèvement national allemand, puisque c'est le nom de l'époque, hein, le relèvement national. Oui, ça s'inscrit dans la continuité de son propre projet. Le nazisme n'apparaît pas comme ça, il est issu d'un contexte plus général, et la récupération des symboles venus d'un peu partout est compréhensible facilement, c'est-à-dire que ça ne choque pas. Si on prend sans doute le plus connu, le svastika, la croix gammée, c'est assez facile à comprendre. Ils ont été chercher ça où ? Bon, ça, alors, même chose, c'est un symbole qui sert de code, si vous voulez, à tous les racistes de la seconde moitié du 19e siècle qui veulent défendre, alors, soit l'origine indo-européenne, hein, puisque c'est un symbole qu'on trouve du nord de l'Europe jusqu'à l'Asie, soit ensuite, fin du 19e, plutôt, les germaniques nordiques, hein, qui estiment que tout vient du nord. Leur thèse, c'est que la svastika, effectivement, se retrouve partout, sur toutes les poteries, sur toutes les mosaïques, sur toutes les frises architecturales. Et la thèse, c'est que le svastika, qui est un symbole solaire, en fait, hein, c'est le cycle de la vie, des saisons, du soleil, etc., du cosmos, vient du nord, et que le fait que qu'on le trouve partout témoigne de la diffusion des migrations germaniques qui ont colonisé le monde. C'est ce qui convainc Himmler, par exemple, de s'intéresser à l'Antiquité. En 1936, il fait une visite du Forum, et à Rome, donc, et on lui montre une mosaïque avec une croix gammée. Il dit, voilà, bon, bah, la preuve que Rome a été édifiée par le sang germanique. On va trouver la même chose avec l'aigle aux aigles déployés. C'est un symbole presque, j'allais dire, universel. Oui. Alors ça, c'est la filiation impériale qui est réclamée par les nazis. Donc c'est l'aigle romaine qui a été ensuite reprise par Napoléon Ier et qui est reprise par les nazis, qui estiment être, incarner la reviviscence, la résurrection de l'Empire d'Occident. Alors dans cette recherche de civilisation passée, dans ce pillage, il y a donc la volonté des nazis de se donner un passé prestigieux, mais il y a également la volonté de justifier l'expansion. Tout le monde doit être sous la domination nazie parce que les nazis ou la race nordique étaient partout. Exactement. Et de fait, les terres eurasiatiques, on va dire, jusqu'à l'Oural, de l'Atlantique à l'Oural, pour reprendre une formule célèbre, ces terres-là ont été, depuis des millénaires, colonisées, fertilisées par le sang et la culture germanique. Donc, c'est au Troisième Reich. Ce sont des terres irrédentes, au fond. Des terres irrédentes que l'on ne fait que récupérer. Ce qui donne d'ailleurs un sens à une pratique nazie bien connue, qui est le fait d'attaquer sans jamais déclarer la guerre. Alors, il y a deux significations. La première, c'est que les nazis font des guerres préventives, hein, qui répondent à des attaques imminentes, disent-ils. Et par ailleurs, il n'y a pas besoin de déclarer la guerre, puisque c'est chez nous. C'est chez nous. Et la justification par l'histoire et l'archéologie, qui est une justification par la biologie, c'est la même chose, archéologie et biologie pour les nazis, hein, cette justification-là est permanente. Par exemple, pour la conquête de l'Est, moi je me suis toujours posé la question, mais jusqu'où veulent-ils aller ? On entend tout et n'importe quoi, hein, ils veulent conquérir le monde. Non, ils ne veulent pas conquérir le monde. Ils veulent l'Eurasie jusqu'à l'Oural. Pourquoi ? Parce que on trouve des symboles, on trouve des traces, disent-ils, de la présence germanique millénaire jusqu'au pied de l'Oural. Et pourquoi jusqu'au pied de l'Oural ? Et ça, c'est la biologie qui intervient, parce que le être, essence germanique s'il en est, s'arrête au pied de l'Oural. Oui. D'accord. Donc ça part d'analyse, en fait, qui nous dépasse complètement, mais qui mêle des différentes sciences. Qui coordonne ça ? C'est une coordination un peu spontanée, si vous voulez, parce que les nazis ne construisent pas sur rien, ils n'inventent rien de manière générale. Hein. Ils sont très disciples de plein de choses qui se disent en Occident depuis les années 1850. Ils les mettent en cohérence, ces choses-là, et ils les radicalisent. Mais disons que tout ce qu'ils disent, ce sont plein de gens hein, qui sont pas forcément membres du parti nazi. Ça peut être, un maître de conférence à l'université qui veut devenir prof et qui, sans être membre du parti, se met à écrire des articles sur le Juif à Rome pour faire carrière. Donc tous ces gens-là, au fond, font fond sur des idées qui existent déjà. La procession nordique de la civilisation, c'est une idée que vous trouvez depuis le début du 19e siècle en Allemagne, en Europe, pas qu'en Allemagne d'ailleurs. En France aussi, plein de gens disent que la Germanie, et vous retrouvez ça jusqu'à Louis-Ferdinand Céline dans ses pamphlets, qui estime que toute civilisation a été créée par l'homme germanique. Donc ils bâtissent sur des choses qui existent déjà et qui sont plausibles et attestées par la science. Et puis vous venez d'évoquer quelque chose d'essentiel, Johann Chapoutot, parce qu'on parle beaucoup d'idées, de l'histoire des idées, et puis après il y a la réalité du quotidien des gens, et vous venez de dire pour faire carrière, oui, il faut en profiter. Donc des idées qui existaient déjà et qui n'auraient pas forcément intéressé un historien, d'un seul coup devient très intéressante parce qu'elles vont peut-être permettre de se faire remarquer. C'est aussi pour ça qu'il y a tant de travaux qui est fait dans cette direction-là, que les nazis ont le droit de piller toutes les civilisations parce que c'est légitime selon eux. Oui, et alors, vous évoquez un aspect important, la loi d'avril 1933, de refondation de la fonction publique, hein, c'est son titre, libère 30% des postes à l'université, donc il y a des postes à prendre. Et comme vous évoquez la vie quotidienne, il faut voir que les nazis ont été très soucieux de mettre de l'antiquité partout. Moi, c'est ça qui m'avait frappé, c'est pas uniquement des vaticinations ou des spéculations d'universitaires, l'antiquité est partout, dans la sculpture, dans l'architecture, sur les pièces de monnaie, sur les timbres, dans le cinéma, dans les processions qu'on organise dans les rues. Tout est fait sur les pilastres de carton et de bois que l'on crée en 1936 pour accueillir la flamme olympique, que l'on voit très bien dans L'As des As, hein, puisqu'on parlait de cinéma tout à l'heure. Avec Jean-Paul Belmondo. Voilà. Tout cela a été pensé pour insuffler cette idée aux Allemands que le renouveau de l'âge classique, c'est maintenant. Et autrement dit, il y a un passage de la pierre qui conserve la beauté de la race germanique dans la sculpture grecque, à la chair. Et ça, on le voit très bien dans le film de Leni Riefenstahl, dans Olympia, avec ce fondu enchaîné incroyable, le disco-ball de Miron, par un fondu enchaîné, s'anime, et c'est Erwin Huber, un décathlète allemand célèbre, qui lance le disco-ball. Et bien, c'est le passage de la pierre à la chair. Elle a été conservée, l'excellence de la race, dans la statuaire, et nous, disaient les nazis, nous la revivifions. Oui, Johann Chapoutot, vous venez de citer Olympia, Leni Riefenstahl. C'est vrai que les artistes, et c'est très compliqué car elle est une artiste, se sont mis au service du pouvoir pour ce film Olympia, donc qui magnifie l'homme nouveau au moment des JO de 1936. Oui, et alors c'est un film absolument majeur parce que, en tout cas pour ce qui nous concerne aujourd'hui, dans le prologue d'Olympia, qui dure bien un bon quart d'heure, vous avez une espèce de prologue dans les ruines comme ça, où tout y passe, hein, tous les stéréotypes d'antiquité, vous avez le Parthénon, vous avez une Vénus de Milo, vous avez un disco-ball, etc. Et vous avez l'allumage de la flamme olympique. Et ça, c'est très, très important. Parce que la flamme olympique existe depuis 1928, mais le relais de la flamme olympique a été inventé par Joseph Goebbels et Karl Diem, qui est le chef du comité olympique allemand. Pourquoi ? Parce que ça métaphorise très clairement la renaissance du feu sacré antique dans l'Allemagne contemporaine. Vous allumez la flamme sur le site d'Olympie, avec d'ailleurs des focales. On a fait ça bien, hein, avec des verres, hein, à la grecque, et la lumière du soleil, des focales Carl Zeiss, hein, qui ont été faites à Iéna, les fameux appareils photo, les focales. On allume la flamme à Olympie et on fait une course de relais qui remonte vers Berlin pour montrer que le feu sacré de la race brûle désormais à Berlin. Et ce qui est très intéressant, c'est que la flamme remonte par une course de relais vers le nord, en empruntant la route que va prendre la Wehrmacht et la SS, au fond, 5 ans plus tard, pour descendre vers le sud. Et ce qui est très curieux, c'est que la flamme olympique, le relais, on célèbre ça chaque année, tous les 4 ans plutôt, à coup de télévision, et personne ne dit que c'est Goebbels qui a inventé ça, quand même. D'où l'intérêt de l'histoire et de l'historien. Non mais c'est vrai, à mettre les choses en perspective, on le dira jamais assez. Il faut donner à voir ce passé réinventé pour les nazis, vous l'avez dit, le donner à voir, et c'est ce qui se passe. On va écouter un document d'archives de 1943, donc un document de propagande des actualités françaises, un document édifiant, un peu gênant. C'est une visite dans un atelier d'un artiste phare du régime nazi, Arnaud Brecker, avec des personnalités françaises. Berlin, un groupe d'éminents artistes français est reçu dans l'atelier d'État du professeur Arnaud Brecker. On reconnaît notamment messieurs Landowski, Van Dongen, Laminck, Derain, Destio. Ces peintres sculpteurs français ont été accueillis dans les principales cités d'art du Reich. Avant de regagner la France, ils visitent cet atelier où l'on achève la construction d'un monument qui sera érigé sur une grande place de la capitale allemande. Toujours troublant, ces documents d'archives, documents de propagande de 1943, avec des gens que l'on connaît mais que l'on n'associe pas du tout à ces phénomènes-là et qui visitent l'atelier à Berlin d'Arnaud. Donc Arnaud Brecker, c'est une figure du régime nazi. C'est un personnage essentiel. Oui, il a bénéficié de commandes publiques massives, hein, comme Joseph Thorak et comme d'autres, mais c'est lui qui a le plus produit. Et par ailleurs, c'était en lien avec le cabinet d'architecture de Speer, le sculpteur de bas-reliefs et de ronde-bosses officiels pour les projets d'urbanisation du Reich, puisqu'il y avait une volonté de créer une nouvelle URPS, hein, la capitale du monde germanique, la Germania. D'ailleurs, c'est curieux parce qu'ils utilisent un mot latin, en fait. Hein, Germania, c'est du latin, ça n'existe pas en allemand et en vieil allemand. Et donc, recréer Germania avec de l'architecture néoclassique, avec des statues de Brecker, et recréer, comme Rome, des capitales régionales et ensuite des capitales coloniales, des coloniae à l'est, qui auraient chacune leur forum, la place Adolf Hitler, entourée des monuments néoclassiques, antiques, le siège du parti, le palais de justice, etc. etc. Et la halle du peuple, bon... Et Brecker se singularise comme Thorak par une espèce d'hypertrophie musculaire, en fait. Il fait du néo-antique, il veut faire la sculpture grecque, mais un grec aurait été effaré par cette débauche de pectoraux, de biceps, c'est trop, quoi. Mais voilà, il forge le modèle de l'Arien. Et c'est important, la sculpture. Hitler l'a dit, il a fait un discours en 37, lorsqu'il a reçu une copie du Disco Ball de Miron à Munich. Il dit voilà l'archétype de la race, et nous devons regarder ça pour en être émulés. Il doit y avoir une émulation, et nous devons être, disait-il, aussi beau que nos ancêtres, les Grecs, qui étaient des Germains. Donc en fait, la statuaire a une fonction qui n'est certainement pas décorative, elle a une fonction biologico-politique. Et on la voit, la statuaire, elle est là, elle est visible. Mais il y a également ce qu'on ne voit pas. Johann Chapoutot, dans vos ouvrages, hein, Le nazisme et l'Antiquité, au PUF, vous comprendre le nazisme chez Talandier, il y a aussi l'autre aspect, c'est chercher dans les civilisations passées un contre-modèle, c'est-à-dire une civilisation que l'on ne veut pas. Alors, le problème de référence sur l'Antiquité, c'est que l'Antiquité, c'est antique, hein, ça n'existe plus. Et il y a eu disparition, soit par effondrement brutal, soit par dissolution, de ces mondes antiques. Autrement dit, vous n'avez plus de la Grèce et de Rome que le squelette blanchi de leurs ruines, en fait. Hein. Ce qui donne lieu non pas à une méditation élégiaque, à la Dubélée, on va prendre sa harpe et méditer sur les ruines, non. On va essayer d'en tirer une leçon biologique. Et la leçon, c'est que les Grecs et les Romains, qui étaient des Germains, ont disparu de la surface de la Terre parce que, en gros, hein, ils n'avaient pas les lois de Nuremberg. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les Grecs se sont livrés des luttes fratricides, Sparte contre Athènes, et tout ça est vraiment abondamment thématisé par les nazis et leurs historiens. Ils se sont entre-assassinés, ils ont perdu des hommes, c'est la fameuse oliganthropie. Donc pour réarmer les cités, on a ouvert les portes des cités à des Syriens, à des Asiates, etc. Résultat, dissolution raciale et disparition de la civilisation. Les Romains, c'est un peu la même chose, ils ont trop fait la guerre, et par ailleurs, ils ont créé un empire. Alors, l'empire, c'est bien. C'est un modèle pour le Reich, mais l'Empire, s'il n'est pas assorti de conditions très strictes, aboutit au mélange généralisé. Parce que l'Empire, c'est la paix, c'est les échanges, c'est la circulation et le mélange également des races. Donc les nazis disent, voilà, nous voulons faire comme les Romains, nos ancêtres, mais en assortissant cet Empire de verrous. Et les verrous, c'est les lois de Nuremberg, c'est le fait que les populations colonisées à l'Est, par exemple, on va les écraser sous notre botte. Hors de question de les émanciper par la citoyenneté romaine, comme l'avait fait Caracalla, par exemple. Hors de question de céder à ces lubies universalistes des stoïciens, ou pire, des chrétiens. Ça, c'est hors de question. Donc, faire l'Empire, oui, mais pas comme César ni comme Alexandre. Et d'ailleurs, c'est très révélateur parce que dans Le Juif éternel, ce film atroce, vous avez toute une séquence sur l'Antiquité où on vous montre des cartes du monde avec la diffusion des rats et la diffusion des Juifs sous l'Empire alexandrin. Donc l'Empire, c'est vraiment ambivalent parce que quand ça crée de la paix et des échanges sans contrôle et sans oppression, ça aboutit à du mélange racial et donc à la mort biologique. Comment les nazis ont pillé les civilisations perdues. Il y a aussi cette construction biologique, vous le dites très bien, Johanna Chapoutot, et vous avez une formule que j'adore, c'est que pour les nazis, l'homme descend du songe, et tout ça, c'est inventé. Nous allons poursuivre cette conversation sur le pillage que les nazis ont fait de toutes les civilisations, en voyant comment les archéologues français et allemands se sont mis au service des nazis. Quelqu'un de très grossier. I'm a very rude person. C'est le titre que nous venons d'entendre de Thom Yorke, le chanteur de Radiohead. Et nous poursuivons notre interrogation sur ce mystère absolu, comment les nazis ont essayé de se construire une civilisation en allant piller à droite, à gauche, un peu partout dans le monde, avec le cas incroyable de l'archéologie, cette discipline majeure, une science qui pourtant s'est mise au service du régime nazi. Avec vous, Laurent Olivier, donc conservateur du département d'archéologie celtique et gauloise au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, et vous avez écrit « Nos ancêtres, les Germains ». Les archéologues français et allemands au service du nazisme, c'est chez Talendier. Ces archéologues au service du nazisme, on n'y pense pas sur le coup. Vous les avez découverts comment? Comment ça vous est venu à l'esprit? C'est un tabou, parce que après 1945, on cherche les criminels de guerre, des gens qui ont du sang sur les mains, et finalement, les archéologues paraissent avoir exercé une activité assez innocente, et on ne s'intéresse pas tellement à cette catégorie d'intellectuels. Donc ils vont retrouver du travail à l'université, ils vont former des étudiants, et puis à leur départ en retraite dans les années 80, ils vont avoir des hommages, et on va gommer soigneusement toute cette partie un petit peu délicate entre 1933 et 1945. Mais leur influence sur l'archéologie d'après-guerre est capitale. Et dans cette période de 1933 à 1945, il s'en est passé des choses. Il y a vraiment eu une action, une volonté du régime nazi de faire de l'archéologie en Allemagne, bien sûr, pas seulement en France. C'est le cas à l'est de la France. Un extrait du journal d'Alsace Midi, c'était en 2001 pour une exposition « L'archéologie au temps des nazis ». Période longtemps taboue, le voile est enfin levé sur les conditions particulières qui ont présidé à la recherche archéologique entre 1940 et 1944 en Allemagne, mais aussi en Alsace-Moselle annexée. Excessivement bien structurés, les services archéologiques nazis concentrent leurs efforts sur deux périodes clés, la protohistoire, l'âge du bronze et du fer, et le début du Moyen-Âge avec les Francs et les Alamans. L'apport de la civilisation romaine est-elle systématiquement gommée au profit du germain? Il faut toucher toutes les couches de la population en les inondant d'insignes, de figurines et d'armes et d'outils reconstitués. Alors Laurent Olivier, je ne vais pas vous demander que venaient chercher les nazis à l'est de la France. Enfin, Johann Chapoutot nous a bien expliqué qu'il cherchait les traces des germains. Mais c'est surtout la construction de cette mise en place archéologique qui est intéressante. C'est une vraie institution. Il y a vraiment une archéologie complètement au service du nazisme. J'allais dire une archéologie nazie, mais c'est un petit peu dur. C'est-à-dire, je pense qu'il faut, démonter le pièce à pièce et voir l'origine de ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'a expliqué Johann Chapoutot tout à l'heure. C'est un projet, il a utilisé le terme de révolution culturelle. L'archéologie, c'est un des piliers idéologiques avec la biologie. Alors, la biologie, le problème, c'est que ça se passe dans l'aujourd'hui. Si vraiment les Allemands sont issus d'une race supérieure, ça doit se voir dans le cours de l'histoire. Or, la version officielle de l'histoire est pas très flatteuse pour eux. C'est-à-dire que la civilisation vient de l'est de la Méditerranée, des petits crépus basanés volubiles, les Phéniciens ont voté l'écriture, dans la région de l'Irak, on a inventé l'urbanisation. Bref, il faut en gros renverser le cours de l'histoire et démontrer que tout ça, en réalité, aux origines, ça vient effectivement du Nord. Et donc, il faut en gros réécrire complètement toute la préhistoire de l'Europe. Et réécrire la préhistoire de l'Europe, c'est le travail des archéologues avec cette surprise de taille. La plupart des archéologues allemands sont membres du parti nazi. Chez les préhistoriens, ils sont à peu près 86%. Et en fait, quand vous regardez, c'est un des corps professionnels les plus nazifiés de l'Allemagne. Il faut aller chez les juristes pour trouver un taux d'engagement supérieur à celui des archéologues. Alors à cela, il y a plusieurs explications qui sont aussi variables que les gens eux-mêmes. Il y a, et on en a parlé dans la première partie de l'émission, il y a d'un seul coup une extraordinaire opportunité de carrière. Il y a un développement des moyens, les budgets de l'archéologie sont multipliés à peu près par 10. On crée des services d'archéologie dans toutes les régions. Il y a du travail à l'université. Il y a le moyen d'aller étudier des sites qui jusqu'alors étaient inaccessibles en Méditerranée, en Allemagne du Nord, en Scandinavie, en France, etc. Et donc il y a une sorte d'immense appel d'air, ce qui fait que ça va créer une génération de jeunes gens et donc ça va créer quelque chose de durable. Il y a une post-histoire du nazisme, ça ne s'arrête pas. L'archéologie national-socialiste ne s'arrête pas en 1945. Il y a un héritage qui suit. Et donc, ces jeunes gens, en fait, vont se trouver mobilisés au service d'un projet qui est un projet exaltant. C'est-à-dire, on a beaucoup fouillé, l'archéologie allemande est très célèbre pour ses fouilles grecques et romaines, mais on va s'intéresser aussi à la préhistoire, aux plus lointaines origines dont on n'a pas beaucoup parlé. Et là se met en place une figure de l'archéologue, c'est l'archéologue allemand ou en tout cas le nazi qui parcourt le monde. C'est une figure qui est très très bien connue parce que c'est celle que l'on retrouve dans la culture populaire avec sans doute l'archéologue le plus célèbre, Indiana Jones. La quête du Saint Graal n'est pas de l'archéologie, c'est une course contre le mal. L'Allemagne a déclenché la guerre à la famille Jones. Il me semble que ces gens essaient de nous... Je sais, père ! C'est une nouvelle expérience pour moi. Moi, ça m'arrive tout le temps. Les nazis Harrison Ford, Les nazis, je hais ces gars-là. C'est un succès populaire gigantesque. Enfin, succès, c'est un chef-d'œuvre, ce film, Indiana Jones. Enfin, la série, en tout cas. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais Indiana Jones combat des nazis parce que les nazis sont partis. Alors, ça dépend des épisodes, mais ils sont parfois en Égypte, parfois au Moyen-Orient. Enfin, ils sont partout. Ils recherchent les traces du passé. C'est réel, cette image-là, d'envoyer comme ça. Alors, peut-être pas les nazis directement, mais des archéologues aussi loin. Ben, il y a cette idée, en fait, on a l'image du nazisme comme un déchaînement de violence irrationnelle. En fait, c'est un projet intellectuel extrêmement rigoureux. Et les archéologues allemands, en fait, vont... Si vraiment le passé germanique est important, il faut prendre ça au sérieux. Et donc, les vestiges archéologiques, il faut non seulement s'en occuper quand on les trouve, mais les vestiges archéologiques qui ont été trouvés dans des régions éloignées qui ont jadis été germaniques, ça concerne au premier chef les archéologues et au premier chef l'Allemagne. Donc, on va aller récupérer ces objets. Il n'y a pas de raison qu'ils se trouvent au fin fond de la Pologne ou en Ukraine ou dans d'obscurs musées français. Si vraiment c'est important, l'Allemagne nazie doit les prendre en charge du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis le moment où on les extrait du sol jusqu'au moment, et c'est une question qu'on a un petit peu effleurée dans la première partie de l'émission, jusqu'au moment où on diffuse ça auprès du public. Il y a un énorme développement de l'aspect médiatique de l'archéologie, qui jusqu'alors était publié dans d'obscures revues scientifiques que lisaient des savants. L'archéologie va être présente dans les magazines de sport, les magazines féminins, ça va être présent dans les actualités cinématographiques. Bref, on popularise l'archéologie. Et la propagande nazie étant tellement forte, c'est vrai, quand elle s'empare d'un champ, bon, alors là, ça part très très très loin. Je me posais une question, Johann Chapoutot, en écoutant tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure et de ce que vient de rajouter Laurent Olivier. Je pense, vous savez, à cet essai de Paul Venn, les Grecs ont-ils cru à leur mythe? Mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce que les Allemands ont cru à ces mythes nazis? Alors, la hiérarchie du parti et de l'État, certainement. Certainement, parce que c'était parfaitement cohérent avec tout ce qu'il prenait en termes de vision du monde et en termes de projet pour l'avenir. Ensuite, se pose toujours, c'est toujours la difficulté en histoire, vous le savez, c'est la question de la diffusion et de la réception. Je pense que, alors, les efforts massifs, disait Laurent Olivier, pour médiatiser tout ça, alors, par le son, par la radio, par le cinéma, par le documentaire, par la fiction, par aussi les processions, les fêtes en costume, par les Jeux Olympiques, par la sculpture, l'architecture, tout cela a eu une résonance dans le corps social allemand, tout simplement parce que ça venait réactiver des idées qui traînaient partout en Allemagne depuis la fin du XVIIIe siècle. L'idée d'une, une familiarité ou d'une solidarité culturelle, au moins et sinon biologique, entre eux, les Grecs et les Allemands, voilà, entre l'Antiquité et le monde contemporain. Ce qui fait que, au cœur de l'Europe, au XXe siècle, alors que civilisation technicienne, industrie, automobile, ça, qui est une forte composante du projet nazi, vous avez un régime qui s'occupe comme aucun autre de l'Antiquité, par exemple, et de l'histoire ancienne. Et juste pour revenir sur ce que disait Laurent Olivier tout à l'heure, à propos de la nazification de l'archéologie, en fait, les trois professions les plus nazifiées, ce sont les juristes, les archéologues et les médecins. Et ça, c'est très important parce que vous avez l'archéologie, vous avez la biologie avec la médecine et vous avez la norme avec les juristes. Eh bien, c'est très important parce que la norme nazie, elle est induite de la biologie et elle est prouvée par l'archéologie. Et donc, le fait que ces trois professions soient les plus nazifiées est parfaitement paradigmatique. Mais en 1945, tout s'écroule. Laurent Olivier, on peut imaginer qu'il va y avoir des comptes à rendre. Et en fait, vous avez étudié la question dans nos ancêtres les Germains et vous constatez que non, il n'y a pas d'épuration pour les archéologues. Ben, il y a quelque chose qui pour nous est difficile à comprendre, qui caractérise le régime national-socialiste, c'est ce qu'on appelle, avec un mot compliqué, la polyarchie, c'est-à-dire le fait qu'il y a plusieurs organismes en compétition pour faire la même chose. Et avant la guerre de conquête de l'Allemagne, l'organisme dominant, c'est le Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte, l'organisation du Reich pour la préhistoire germanique, qui est dirigé par un émule de Rosenberg, qui s'appelle Hans Reinhardt. Rosenberg, qui est le théoricien, on va dire, de tout ce mouvement-là autour de l'archéologie et de la réflexion du l'idéologue, passé. L'idéologue, oui. Et puis, avec la guerre, il y a une officine qui est relativement modeste à ses origines en 1935, qui va prendre un développement extraordinaire, dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'ANNERBE, donc l'Institut scientifique de la SS, et en fait, qui va beaucoup recruter dans le milieu universitaire. Et donc, en fait, avec la guerre de conquête, c'est l'organisation de Himmler qui écrase et qui supplante l'organisation de Reinhardt. Et après-guerre, en fait, vous allez avoir un processus de blanchiment des recherches dans lesquelles on va avoir une réunion des archéologues au congrès de Regensburg en 1947 qui va dire, bah, écoutez, nous fondons l'archéologie allemande d'après-guerre, nous n'avons plus rien à voir avec le nazisme. Le nazisme, c'était monsieur Reinhardt, le professeur Reinhardt et Rosenberg, et nous sommes atteints, on appelle ça le syndrome Cosina après-guerre, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'abus durant la période national-socialiste que nous n'interpréterons plus rien dans un sens racial, nous nous bornerons à purement observer les faits. Laurent Olivier, en plus, après-guerre, il y a une certaine forme de solidarité, d'entraide entre des archéologues un peu partout, sous ceux qui ont été compromis. Alors, ils ont une expression qui est assez formidable. Ils appellent ça se délivrer des diplômes Persil. Persil, c'était une marque de lessive qui était réputée venir à bout des tâches les plus incrustées. Et donc, l'idée, c'est, quand on passera devant la commission de dénazification, face à des officiers qui connaissent pas les méandres de l'archéologie allemande et ses enjeux idéologiques, moi je dirais que tu n'as jamais rien eu à voir avec la SS et toi tu feras de même quand ça sera mon tour. Ce qui fait que en réalité, quand vous regardez dans le détail, ça repose surtout sur des dénonciations, en réalité, parce que les autorités de dénazification se repèrent pas dans ce méandre. Et en un mot, Laurent Olivier, vous avez dit qu'il y a des conséquences ensuite sur l'archéologie. L'archéologie est encore marquée par cette nazification après-guerre? Alors, ce qui est très intéressant, elle est marquée par les méthodes. On a posé la question, croyait-il à cette histoire? Les archéologues croient en leur méthode. Et la méthode méthode qui est extrêmement résiliente. Ça repose sur une idée simple, malheureusement une idée fausse. C'est l'idée que, bien, on sait dans quel territoire étaient ces populations dites germaniques. Regardons leur culture matérielle, ce qu'ils font, comment ils construisent leur maison, les décors de leurs vases, et puis on se rend compte que c'est relativement homogène, et puis dans le passé, on a aussi des territoires avec des choses très homogènes. Donc ça veut dire que la forme des objets, c'est un indicateur de l'identité ethnique et donc raciale. Et donc avec ça, si on fait la carte de répartition européenne de ces types de maisons, de ces types d'objets, on a la carte de répartition des vagues de peuplement de germanique. Oui, donc voilà, il y a un mode de pensée qui se met en place qui est absolument terrible, Laurent Olivier, c'est fou comment, en regardant de manière très froide ce qui s'est passé, on s'aperçoit que les nazis ont effectivement pillé les civilisations du passé et que ça a fonctionné. Les nazis, et je vais faire un écho assez contemporain, ne bénéficiaient pas de tous les réseaux sociaux, de toute la propagande, et pourtant ils ont été très très efficaces, ce qui me conduit par une transition, un peu tirée par les cheveux, au journal de Absolument l'histoire pas. D'Anaïs Quien. Mais oui, bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire sur Internet, de l'histoire qui se diffuse, c'est un raz-de-marée. Et pour nous y retrouver, vous allez nous parler aujourd'hui des chaînes d'histoire sur YouTube. Absolument, depuis 5-6 ans, les chaînes de vidéastes férus d'histoire se multiplient. On trouve sur YouTube toutes sortes de propositions. Plus ou moins mises en scène, ces vidéos modestes, tournées face caméra, dans les salons ou les chambres des passionnés, rencontrent un succès fou. Les vétérans, comme Benjamin Briot de la chaîne Nota Bene, peuvent accumuler jusqu'à 1 million d'abonnés, des chiffres à faire pâlir les chaînes ou les plateformes payantes. Pas de programme, pas de newsletter de la République des youtubeurs d'histoire. On les déniche bien souvent coincés entre un documentaire piraté et un tuto de bricolage. Alors comment on s'y retrouve Anaïs ? Affrontez la jungle. Trouvez 2 ou 3 chaînes sur YouTube à votre goût et suivez leurs conseils. Pour une fois, ce n'est pas un algorithme qui dirige votre navigation. On commence bien souvent à regarder une vidéo parce qu'elle traite d'une de nos marottes. Le Second Empire pour vous, Xavier, oui. Les Vikings pour les uns, moi par exemple, ou la Révolution russe de 1917 pour les autres. Une fois convaincus par leurs animateurs, on se laisse porter vers des sujets moins familiers. Chaque vidéaste de YouTube démarre sur un créneau qui évolue dans le temps. Manon Bril de la chaîne C'est une autre histoire a longtemps décrypté les mythes gréco-romains avant de se diversifier. Dernièrement, elle a parlé des usages de la drogue en temps de guerre ou du cannibalisme. L'émission du médiéviste Julien Théry, La Grande Hache, sur la chaîne insoumise Le Média, propose des entretiens avec des historiens spécialistes de toutes les époques, tandis que Confession d'Histoire met en scène une fois par an les confidences en costume des grands personnages du Moyen-Âge. Vous trouverez également un certain nombre de clowns de Stéphane Bern, figure imposée, se baladant dans les jardins de divers châteaux, si en nos régions, en nous contant la vie merveilleuse de nos défunts de tête couronnée, chacun son truc. Mais chacun son truc, attention toutefois aux accidents, hein, parce que le succès de ces chaînes YouTube a créé quand même quelques malentendus. Alertés par le succès de ces nouveaux passeurs, des institutions, associations, musées, offices du tourisme, y ont vu un bon moyen d'atteindre ou de sensibiliser de nouveaux publics plus jeunes, en passant des commandes parfois approximatives. A commencer l'année dernière par Thibaut In Shape, qui n'avait pas particulièrement montré de goût pour l'histoire jusque-là dans ses vidéos de crossfit, du sport donc. Son slogan habituel, c'est « énorme et sec ». C'est mon slogan aussi. Une âme probablement bien intentionnée, mais peu familière de son œuvre, a eu l'idée étonnante de lui commander une vidéo sur l'extermination des Juifs d'Europe, tournée sur le site d'Auschwitz. Je ne vous la conseille pas. D'ailleurs, la maladresse du ton et du propos ont été largement commentées sur le net. Thibaut In Shape est bien vite retourné à ses haltères. Oui, alors, il y a bien 2-3 indices à pister, hein, parce qu'on peut aussi perdre dans ces chaînes YouTube. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Bien sûr, il y a des indices, parce que si ces youtubeurs d'histoire ne sont ni enseignants, ni chercheurs de leur métier pour la plupart, il y a des exceptions, il y a malgré tout quelques indices qui vous permettront d'apprécier non seulement leur talent de vidéaste, mais également la qualité de leur travail de documentation préalable au tournage de la dite vidéo. Fuyez les chaînes qui gomment la conflictualité du savoir, qui ne citent jamais un historien, jamais une archive, qui ne mentionnent jamais la lecture d'un, voire de plusieurs livres pour préparer leurs émissions. On peut rester divertissant sans planer au-dessous du niveau de la recherche. Faire de l'humour n'empêche pas une certaine rigueur. À ce titre, je mentionnerai le talent de Passé Sauvage de Clotilde Chamussy, une chaîne d'archéologie et d'histoire particulièrement réussie qui jongle allègrement entre les œuvres d'Alain Testard, Pierre Bourdieu ou Michel Perrault, par exemple. Sa chaîne est maligne et aborde des sujets délicats comme l'erreur fatale commise par l'humanité lorsqu'elle a inventé l'agriculture. Avec son collègue Dirty Biology. Dirty Biology, donc une archéologue et un biologiste spécialisé pour le bien de l'humanité, ça c'est un bel exemple de dialogue interdisciplinaire sur YouTube. C'est beau, n'est-ce pas ? Les meilleurs YouTubeurs font preuve d'une érudition partageuse et pratiquent la mise en commun des disciplines avec une fluidité déconcertante, s'invitant les uns les autres sur leurs chaînes respectives pour éclairer l'explosion, par exemple, des inégalités sociales à l'âge du fer ou le décryptage du dernier épisode de la bataille des bâtards dans Game of Thrones. Merci Anaïs. Alors, vous laisserez quand même quelques cailloux hein, sur les pages du site du Journal de l'Histoire pour aider tous les explorateurs du net, parce que ça va donner envie d'aller voir tout ça. Oui, vous trouverez une liste de chaînes YouTube tout indiqué pour commencer vos explorations. Et si vous aimez, pensez à vous abonner ou à faire un don. Les youtubeurs aussi ont besoin de gagner leur vie. Merci beaucoup Anaïs Kien. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane Viudès et Camille André. Nous nous retrouvons demain pour poursuivre nos aventures historiques.